Chapitre 6e, sa défouraille. Vers 4 heures de l'après-midi, l'homme se mit en route, direction la zone de fosse pour prendre sa planque derrière une citerne. Il gara sa bagnole à l'endroit habituel, mais comme la citerne n'y était plus, il décida de passer de l'autre côté de la route, dans le terrain légèrement en contrebas. Il se mit à plat ventre derrière une méchante touffe d'herbasse et constata que la safrane était au bercail. Il attendit patiemment et monta un silencieux sur son automatique. Vers 17 heures, alors que la luminosité commençait sérieusement à baisser, la safrane emprunta le chemin qui menait hors du campement. Lorsqu'elle fut parfaitement en face de lui, l'homme fit feu une première fois sur le conducteur. La bagnole cala, puis une deuxième fois sur le passager, dont la portière n'était pas encore fermée. Poussée par le poids du corps, elle s'ouvrit complètement et le passager glissa à terre. Que les victimes aient été touchées n'importe où, tous les impacts étaient mortels avec les balles à bout plat que l'homme utilisait. Rien n'avait bougé dans le camp, et le vent déportait les bruits dans la direction opposée. L'homme redescendit dans le terrain, et à l'abri des regards, se dirigea vers sa voiture quelques mètres plus loin. Il la mit en marche, et partit dans la direction opposée au campement. Il trouverait bien une voie de traverse qui le ramènerait vers Martigues. Il roulait depuis quelques secondes, quand il entendit le rugissement d'une moto. Dans son rétro, il vit un motard qui, dans la précipitation, roulait sur sa roue arrière. Profitant de ce que la route était droite, l'homme se concentra sur son rétro. Le motard le pourchassait, à n'en pas douter, et lorsqu'il ne fut qu'à une vingtaine de mètres, il plongea la main dans son blouson. « Méfie !» se dit le conducteur de la voiture en donnant seulement un léger coup de volant vers la gauche. Dans un réflexe naturel, le motard se déporta vers la glissière d'un coup de rein. Un coup de trop. La moto s'enroula dans la rambarde, et le motard décrivit un magnifique soleil qui le projeta une quinzaine de mètres dans le terrain vague en contrebas. On y voyait à peine. Le conducteur de la voiture s'extirpa vite fait de son véhicule, pistolet au poing, et passa prestement par-dessus la glissière. Il fouilla le motard groggy, trouva l'arme dans son blouson, fit feu avec dans la région du cœur. Il mit son propre pistolet dans le blouson du motard, mais garda l'arme du mort. L'échange fait, il regagna promptement son véhicule et démarra rapidement, en faisant le moins de bruit possible. Même pas 5 minutes, et 3 mecs au tapis. On est bien peu de choses, ma brave dame. Après mes recherches habituelles de l'après-midi, je repris le chemin de la maison, et la soirée se passa comme d'habitude, avec peut-être un doigt de whisky supplémentaire par rapport à ma ration habituelle. Je préparai une salade de haricots blancs avec persil et oignons, des côtes de porc au four avec des épinards à la poêle. Gilda arriva sur le coup de 7h30, préoccupée comme d'habitude. Je l'écoutais me parler de ses problèmes, en abondant toujours dans son sens, pas pour lui faire plaisir, mais parce que j'étais réellement d'accord avec elle. Puis je me plantais devant la télé pour regarder Rio Bravo, pour la énième fois, avec toujours autant de plaisir. Le lendemain, j'achetais la Provence et tournais fébrilement les pages intérieures. À la une, il y avait un article de poids que j'avais zappé. 3 meurtres dans la zone de Fosse-sur-Mer. 3 individus ont été assassinés près d'un camp de gens du voyage. 2 ont été tués d'une balle de fort calibre dans la tête, tirée vraisemblablement par la même arme à travers le pare-brise de leur safrane. Un 3e cadavre a été retrouvé à 1 kilomètre plus loin, éjecté de sa moto une balle dans le cœur. Dans son blouson, on a retrouvé l'arme qui a servi aux 2 premiers meurtres. Les 2 passagers de la safrane, originaires de Serbie, sont bien connus des services de police, en raison de leurs nombreuses activités illégales, allant du racket sur la voie publique au vol de voiture. Le motard était également fiché pour trafic de stupéfiants et vol à main armée. L'enquête s'oriente vers un règlement de compte. Les 2 Serbes s'étaient effectivement entremis pour monter une affaire de pièces détachées d'occasion dans la zone de Marignane. Ils n'ont peut-être pas respecté tous leurs contrats. Aussi sec, je bondis dans ma caisse, jetai le journal sur la banquette et direction l'hôpital de Martigues. Au chevet de mon parrain, je mis ma bouche tout près de son oreille. « Tonton, tu m'entends ?» Le parrain ouvrit les yeux et cligna plusieurs fois des paupières. « Écoute bien ce que je vais te dire. Tu sais, ceux qui t'ont fait ça, ils ont été assassinés. Regarde l'article du journal. » Le tonton écarquilla les yeux. Je mis ma main dans la sienne et lui présentai l'article en le lui montrant du doigt. Je dus le lire à haute voix, car apparemment le pauvre ne pouvait le faire. « Ils sont morts, tonton. Tu as été vengé. » Séraphin me serra la main avec une force dont je ne le croyais plus capable. Une larme coula lentement sur sa joue, puis il ferma les yeux en continuant de me serrer la main. En moi-même, je me suis dit « Il fallait que je le fasse, tonton. Même si tu avais été bien, tu n'aurais pas pu m'en empêcher. J'avais décidé de le faire, et je l'ai fait. Ton estafette sert d'abri à des gamins et à une pauvre femme complètement paumée. Elle aurait plus utile qu'à toi. Tout est bien ainsi. » Eh bien voilà, ça me faisait quand même drôle de voir mes exploits étalés au grand jour dans la presse. D'un peu, je me serais planté en plein milieu du port avec la Provence sur le bide en criant « Vous voyez ça, là ? Eh ben, c'est moi qui l'ai fait. » En plus de 35 ans de carrière, je n'avais tué que 4 gars et je n'en regrettais aucun. L'article de la Provence se poursuivait en fustigeant encore les zones de non-droit. Il faut entendre par là les quartiers nord de Marseille, pour lesquels les pouvoirs publics ne faisaient rien et qui servaient de repère aux malfrats. Mais ils ne s'étaient pas encore aperçus, ces baveux, que la France entière était une zone de non-droit. La route est devenue un véritable Far West, entre les poids lourds chars d'assaut, les excités du champignon, les motards dont beaucoup n'ont pas plus de neurones que de roues, et qui te balancent des coups de pompe dans les portières parce que tu n'as pas pris ta bagnole sur la tête pour les laisser passer. Je ne parle pas des banquiers auprès desquels ton seul droit est de fermer ta gueule et payer leurs conneries. Quant aux juges qui dérapent puis s'auto-amnistient, comme les politiques, il vaut mieux glisser dessus. Zone de non-droit, je t'en foutrais, tiens. Contentez-vous de donner l'information au point barre. L'après-midi, profitant d'amener le 4x4 de Fred pour une révision, je passais prendre un café chez Chetagi. Oh, Gino, qu'est-ce qui t'amène? Eh, maintenant que je sais que tu crèches ici, je profite de venir te voir. Ça ne te fait pas plaisir? T'es, bien sûr que si. À propos, tu sais les deux mecs que tu m'as demandé l'autre fois? Alors? Eh ben, ils sont morts. Oh, comme? Ouais, regarde dans la Provence, en première page. Ah, j'ai lu l'article, mais je n'avais pas fait le rapprochement avec ces deux types. Figure-toi que ce matin, le mec avec qui ils étaient en cheville est venu me trouver. Ils avaient rendez-vous tous les trois chez moi. Ce gars qui revenait de Roumanie m'a demandé comment ça se faisait que ses deux potes avaient été assassinés. Et qu'est-ce que j'en sais, moi, que je lui ai dit? Alors ça voudrait dire que ce n'est pas avec lui qu'ils avaient un engambie, c'est ça? Eh ben, je sais pas, faut croire que non. Par simple curiosité, je questionnais Chetagi pour savoir ce qu'il savait. D'après lui, le gars de Roumanie possédait déjà deux cases du côté de Martigues et de Foss. Il voulait en monter une du côté de Marignane ou de Vitrolles, et les deux Serbes allaient s'occuper de l'affaire. Ils étaient chargés de recruter le personnel, sans papier ou gars déjà recherché par la police. Dans le fond du hangar, il était prévu d'aménager un dortoir avec sanitaire, afin que ces travailleurs de l'ombre continuent d'y rester. Toujours d'après Chetagi, la combine de base reposait sur l'achat légal d'un véhicule réellement accidenté, et la multiplication des petites pièces se faisait en volant des véhicules identiques. De temps en temps, bien sûr, on pouvait fabriquer un nouveau véhicule de briques et de broc et l'expédier de l'autre côté de la Méditerranée, chargé à blocs de télé, de lecteurs DVD tombés du camion. C'était de la petite combine, mais qui, sur le long terme, finissait par rapporter des centaines de milliers d'euros. La fortune vient aux audacieux et aux patients. Ils avaient l'air de bien s'entendre. « Je sais pas ce qui a pu se passer, » se demandait Chetagi. Dans la soirée, Serge débarqua à la maison, de passage dans le coin. « J'enquête sur l'affaire de Foss, t'es au courant ?»« Ouais, j'ai lu ça dans le journal. »« Les mecs n'ont pas mégoté. Tiers c'est gagnant dans l'ordre. Puis avec des perlouses de taille, hein ?» D'après l'enquête, le motard a dessoudé les deux gars dans la voiture, puis a coursé une deuxième voiture noire. Mais à son tour, il a été flingué par le conducteur de la bagnole. C'est ce qu'ont déclaré les témoins. Mais ils étaient loin et n'ont pas vu grand-chose. Ça s'est passé tout près d'un camp de gitans ou de je ne sais quoi. Il y en a tellement maintenant qu'on ne sait plus trop à qui on a affaire. Bof, ça ne change rien à la chose. Non, bien sûr. Mais avant, on arrive à savoir sur quel territoire on chassait et qui on allait rencontrer, tu vois, histoire de connaître les us et coutumes des autochtones. Maintenant, baraque, ils se ressemblent tous et barjac des dialectes impossibles. Et nous, tu ne crois pas qu'on se ressemble tous aussi? Ah, c'est sûr, pour des Chinois, on est tous pareils. » Après une lampée de Giant Bee, Serge s'éclaircit la voix et me dit d'une voix mystérieuse « Dans ce camp de Boumian, tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. »« Manitas de Plata. » »« Non. » »« C'est presque aussi bien que ça. » »« C'est la camionnette du tonton. » »« T'es sûr que c'était la sienne ? » ?»« Quel coup de bol. » »« Non, c'est pas possible. » »« Mais si, je t'assure. » »« Tu me diras où c'est, que j'y aille. » »« Ouais, mais tu vois, je ne sais pas si ça vaut la peine de la récupérer. » « Quelle heure il est ?»« Oula, 8h moins le quart. » J'ai promis à Sylvia d'être là pour 8h30. Nous avons des amis à dîner. Il va falloir que je mette le turbo. Ah, au fait, en parlant de bagnole, il vaudrait mieux que, momentanément, tu te sers d'une autre voiture que ta BMW noire. Oh, et puis tu as toujours ce Glock, tu te souviens? Je pense que tu t'en es débarrassé. On ne sait jamais. Allez, je file. Là-dessus, il me fit la bise, cria un « Ciao, JJ » à l'adresse de Gilda, et démarra en faisant crisser les graviers. Je regardais les feux de la 406 de fonction de Serge s'éloigner, et je restais perplexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait certainement tout compris, avec son intuition aussi développée que la mienne. On avait identifié un véhicule identique au mien. Quant à l'arme, peu de mecs dans le coin utilisaient ce genre de pétard, et Serge avait de la mémoire. La précision des tirs, le calibre des munitions, tout dénotait en effet une liquidation faite méthodiquement et sans précipitation. Tant pis pour ma modestie, mais ça sentait le professionnel et non le petit con de la gâchette qui se pisse dessus en même temps qu'il tire. La camionnette du tonton sur les lieux avait déclenché l'intuition de Serge. Le reste n'avait fait que confirmer de façon certaine ses soupçons. Depuis le temps que nous nous connaissions et que nous avions l'un pour l'autre une grande affection, il savait par cœur mes façons de réagir et mon fonctionnement intellectuel. D'ailleurs, le ton qu'il avait employé dans ses dernières remarques prouvait assez qu'il n'avait aucun doute et qu'il n'aurait pas permis que je nie quoi que ce soit. J'étais resté sec et je crois que c'est ce qu'il attendait. J'allais remiser le 4x4 Mercedes de Fred dans son garage et je fus étonné d'entendre Louisa farfouiller dans la cuisine. Je savais bien que la mise en examen serait un nari, une mauvaise boule à la pétanque. Mais la juge Prévost était un animal à sang-froid qui, comme les lézards, devait surveiller de ses yeux verts, à l'ombre, en attendant qu'il se passe quelque chose. Nul doute que Fred, à son tour, allait réintégrer ses foyers. Le lendemain, après avoir balancé loin dans la crique le flingue du motard, j'achetai la Provence. Toujours en première page, un article annonçait « Rebondissement dans l'affaire des 3 meurtres de Fosse-sur-Mer ». Hier, vers 10h du soir, un nouveau meurtre a été perpétré, probablement en relation avec les 3 autres comme il l'indique. Un homme a été assassiné au volant de sa voiture, une BMW série 5 de couleur noire, par 2 hommes à moto. D'origine roumaine, Lazar Lalescu travaillait dans le négoce de la pièce automobile d'occasion. D'après nos informations, l'homme allait s'associer avec les 2 Serbes assassinés à Fos pour monter une nouvelle entreprise dans la zone industrielle de Marignane-Vitrolles. Dans le milieu de ce genre d'affaires, le projet ne présentait aucun problème et chacun considérait l'entreprise comme déjà montée. On se souvient que, selon les témoins, c'est le conducteur d'une berline noire qui avait assassiné le motard lundi. S'agit-il d'une vengeance ou d'une volonté d'éliminer toute possibilité de création d'une nouvelle affaire dans la zone de Fos? Le SRPJ de Marseille continue d'enquêter. La lecture de l'article me laissa profondément atterré. Il avait gros à parier que le Lazare en question avait dû être assassiné à ma place, et je savais, moi, que ce n'était qu'à cause de sa bagnole identique à la mienne. Comme le disait l'article, le coup avait été certainement fait pour venger le meurtre du motard. Peut-être un membre de la famille ou de la bande allait savoir. Les commanditaires du tueur à moto savaient pertinemment qu'il n'avait pas tué les 2 Serbes, même si l'arme du crime était dans son blouson. Ce motard m'avait pris pour Lazare Lalescu, et non pas pour l'auteur du meurtre des 2 Serbes. De toute façon, il était arrivé trop tard pour me voir opérer. D'après l'article, un autre motard avait terminé le boulot et réussi à éliminer le Roumain. Pourquoi lui en voulait-on? Je dus m'avouer que je n'avais pas vu si loin lorsque j'avais pris ma décision de faire parler le Glock. J'en arrivais à la conclusion que le motard avait un contrat pour liquider le Roumain. Parti à sa recherche, il s'était dit qu'il pouvait le trouver chez les Serbes avec lesquels il était en affaires. Le hasard avait voulu qu'à son arrivée à l'air, une BMW noire fût justement en train de partir sur une route quasi déserte. Méprise fatale. Le Roumain ne se serait peut-être pas méfié, mais avec moi, c'était une autre chanson. Lalescu n'était pas connu comme un as de la gâchette, capable de descendre froidement un motard. Maintenant, cherchant le meurtrier de leur sbire, le gang allait chercher d'autres BMW série 5 noires, en se renseignant cette fois sur le propriétaire. Quels éléments avait-il pour remonter jusqu'à moi? Logiquement, il n'avait pas l'immatriculation de mon véhicule. En y réfléchissant mieux, je me dis que les Serbes et le Roumain faisaient partie de la même charrette. Simplement, je m'étais chargé des 2 premiers. C'était plausible. Et la police avait-elle repéré mon manège? Je n'avais pas l'impression d'avoir été suivi. Mais quelquefois, certains flics sont plus malins que la moyenne. Et d'abord, Pour quelle raison m'aurait-il collé au train? À moins que les deux Serbes aient été sous surveillance. Pourtant, leur attitude dénotait une liberté totale de mouvement. J'en étais à me demander si l'intuition que j'accordais à Serge n'était pas en fait le résultat logique d'une enquête qu'il avait menée en solo avec discrétion. En principe, Serge Michaud était le seul à pouvoir établir que l'estafette du tonton était le lien qui pouvait me mêler à l'affaire. Que pouvais-je faire maintenant? Vendre la bagnole? Idiot, car le fichier de la préfecture n'est pas fait pour les aveugles. Me trouver un alibi pour la journée du lundi? Chetagui m'avait vu. Mais il n'était pas ce qu'on fait de plus costaud en matière d'alibi. Et Gilda, s'il était interrogé, saurait-elle taire mes déplacements et mes recherches? Oula, quel merdier! Je pouvais me débarrasser des munitions du Glock d'un plouf dans la crique, et c'était tout. Pour le reste, tout le reste, il me fallait serrer les fesses très fort, en priant la bonne mère. Encore une fois, comme pour le mystérieux calciné de Caro, Serge tenait ma carrière entre ses mains. Dans cette affaire, je m'étais débarrassé d'un macabre gênant, en le faisant cuire en même temps que sa voiture. Serge avait découvert le stratagème, mais n'avait pas moufté. J'étais encore une fois son débiteur, sans jamais avoir pu lui rendre l'appareil. Il faut dire que Serge ne fonctionnait pas comme moi, qui avait tendance à jouer les électrons libres. Je disais souvent que c'était mon petit frère, à cause de son âge, mais pourtant, il jouait bien le rôle d'un grand frère. Il passait toujours derrière moi pour balayer et réparer mes conneries, sans jamais faire une réflexion ou un reproche. Je savais d'avance que, tenaillé par l'angoisse et le stress, j'allais passer une journée exécrable. Il me fallait une activité physique qui m'empêchât de réfléchir et de paniquer. Je me lançai dans un désherbage forcené, suivi du ramassage des aiguilles de pin. Au fur et à mesure que le tas montait, je sentais redescendre la boule que j'avais dans la gorge. De temps à autre, je jetais un coup d'œil sur la villa des Barthes, car même au plus fort de mes angoisses, la curiosité reprenait le dessus. Je vis Louisa aller venir comme si de rien n'était. Vers 11 heures, j'entamai une recette compliquée que je venais d'entendre à la radio. À midi, Gigi m'amena loin de mes pensées, en me racontant les conneries de ses collègues. À la sieste, bien évidemment, je ne réussis pas à dormir, et j'attendis placidement devant la télé que Lisa revienne du lycée. Vers 18 heures, j'entendis la camionnette des gendarmes pénétrer chez Fred qu'il ramenait à son domicile. Chavannes passa me voir, l'air un peu triste. « Ça n'a rien donné ?» demandai-je. « Bien sûr que non. Mais le juge n'a pas l'air pressé. L'essentiel, c'est que l'affaire continue à rester secrète. Tant que les médias ne s'en occupent pas, ça nous laisse du temps. » « Le proc persiste-t-il toujours à croire qu'il y avait une troisième personne, en plus de Fred et de Louisa ?»« Plus ou moins. Disons que c'est pratique pour expliquer les choses, mais encore faudra-t-il le prouver. » Et la corde ?« Trace de sang. » « Effectivement, c'est celui de Maïtena, mais c'est tout. Ça prouve simplement que c'est bien la corde dans laquelle elle a buté. Il y a demain une reconstitution. Je ne vois vraiment pas ce qui va en sortir. Demain matin ? Non, vers 19 heures, à l'heure supposée de la mort. Je serai chez Fred, dis-je. Je ferai comme si je n'étais pas au courant. J'espère que le proc et la juge toléreront encore ma présence. Tu verras bien. » Chavannes venait juste de refermer la porte lorsque le téléphone sonna. « Allô, oui ? C'est bien moi. C'est arrivé quand ? Vous pensez qu'il a souffert ? Ah, il était inconscient. J'arrive. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. Je m'occupe de tout. » On venait de m'annoncer que mon tonton Séraphin venait de passer l'arme à gauche. Pendant une minute, j'eus la tête vide. Pourtant, je m'attendais à cette fin. La mort du parrain était due aux séquelles du choc. De sérieuses lésions s'étaient développées dans son cerveau, finissant par perturber les fonctions vitales. Du coup, les remords relatifs aux 3 macabées que j'avais allongés s'envolèrent comme par enchantement. À l'hosto, Gilda et moi avons posé un dernier baiser sur son front de marbre, puis nous sommes restés un long moment à le contempler, avec en toile de fond toute une foule de souvenirs. Dès le lendemain matin, j'aurai les certificats de décès et pourrai m'occuper des obsèques.